À son retour, rue Plumet, Victorin put donc accomplir son projet de prendre chez lui sa mère et sa sœur. Le jeune et célèbre avocat possédait pour toute fortune un des plus beaux immeubles de Paris, une maison achetée en 1834 en prévision de son mariage et située sur le boulevard entre la rue de la Paix et la rue Louis-le-Grand. Un spéculateur avait bâti sur la rue et sur le boulevard deux maisons, au milieu desquelles se trouvait, entre deux jardinets et des cours, un magnifique pavillon, débris des splendeurs du grand hôtel de Verneuil. Hulot fils, sûr de la dot de Mademoiselle Crevel, acheta pour 1 000 000, au crier, cette superbe propriété, sur laquelle il paya 500 000 francs. Il se logea dans le rez-de-chaussée du pavillon, en croyant pouvoir acheter le paiement de son prix avec les loyers. Mais si les spéculations en maison à Paris sont sûres, elles sont lentes ou capricieuses, car elles dépendent de circonstances imprévisibles. Ainsi que les flâneurs parisiens ont pu le remarquer, le boulevard entre la rue Louis-le-Grand et la rue de la Paix fructifia tardivement. Il se nettoya, s'embellit avec tant de peine que le commerce ne vint étaler là qu'en 1840 ses splendides devantures, l'or des changeurs, les féeries de la mode et le luxe effréné de ses boutiques.